Maximum. Maximum. Underground Radio. On continue ce Rave Max tous ensemble ce soir avec donc le projet STF, avec le deuxième artiste qui est avec moi dans les studios. C'est Blash Blaster qui a rejoint le, salut, qui a rejoint le collectif en 2020. Bah du coup t'es avec moi, je vais te laisser te présenter quand même, c'est mieux. Bah oui, bah déjà vu que je fais partie du projet STF où on aime bien voilà créer des événements où tout le monde se sent bien, voilà, et chez soi, voilà, et bah du coup voilà. Du coup voilà, on est chez... bah ouais, je fais beaucoup de du coup, bah moi je mixe depuis 2019. Vraiment à cette période là parce que j'ai rencontré aussi au même moment Jovejoke et 707 dans une free, dans une teuf, une parodie du Wheel of Green et on aime le vert. Puis voilà, on fait des événements maintenant tous ensemble. Et vu que là je vais mixer pendant 2 heures, je t'offre des petites compotes et une petite banane pour tenir le rythme. Ok, merci. Et du coup tu vas nous jouer là je vais jouer du coup je vais faire un peu de techno tribal, techno, voilà, ça va être très tough, très free party là pour ce soir. Et donc du coup le temps que je mange la banane, je te laisse aller derrière les platines. Donc Blaster pendant 2 heures, et oui, lui monsieur se prend 2 heures pour avec le collectif STF sur Maximum. Tous les jeudis minuit 5h, Rave Max. C'est Rave Max. Amsterdam. tous les jeudis. Minuit 5h, Rave Max. C'est Rave Max. We'll be right back. Like that. tous les jeudis. Minuit 5h, Rave Max. C'est Rave Max. tous les jeudis. Minuit 5h, Rave Max. C'est Rave Max. I'm gonna go. les jeudis. Minuit 5h, Rave Max. C'est Rave Max. I've lived years in this place, but I cannot measure the time. Demons must have cared for my needs. Yet I cannot recall any person except myself or anything alive. round and round, and you're bound to forget to see.